médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu, vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre Radio Audio Live Festival, nommé Juin, toi à la transe, on invite pour des concerts en direct les meilleurs troublions et troublionnes de la scène locale. Et aujourd'hui, c'est Missy et Blodia qui s'y collent. On va le retrouver dans quelques minutes pour une petite discussion, présentation et un concert d'un trois quarts d'heure en direct dans les studios de Radio Dio, bien entendu. Et tout de suite, on commence par le rituel, le coup de cœur de la semaine repéré par la prog de Dio. Il s'agit du nouvel album du groupe BIC, B-E-A-K, avec une espèce de flèche derrière. L'album, c'est 4 flèches, du coup, je sais pas comment ça se dit. Et d'ailleurs, on peut même pas l'écrire informatiquement, c'est refusé, c'est invalide comme appellation. Donc voilà, enfin, ils ont choisi ça comme ça. Ça sort sur Invada Records, c'est un groupe anglais qui joue depuis 2009. Il y a Billy Fuller, Matt Williams et surtout Geoff Barrow, le guitariste de Portishead, qui sort donc ce disque au mois de juin, juste après la sortie d'ailleurs de la chanteuse Beth Gibbons. Si on mélange un peu les deux disques, on trouve bien l'ambiance du troisième et dernier album en date du groupe qui a fait les belles heures du trip-hop. BIC diffère de la head music, ça s'adresse à la tête, à l'imagination, c'est bien psychédélique. Je vous propose un extrait de cette musique tordue aussi que groovy. Le morceau s'appelle Windmill Hill, tout de suite sur le 89.5. Bienvenue à toi, Missy et Blodia. Salut Loïc. Salut, salut. Merci pour l'invite. Et merci d'être venu, carrément. Donc, auditeuriste qui avait raté le début, soyez à l'heure la prochaine fois. Mais quand même, je vous dis tout de suite, petite discussion, présentation pour Un MC qu'on voit partout depuis pas mal d'années à Saint-Etienne quand même. Oui, oui, oui. Mais ouais, j'avais envie de commencer par le commencement. Premier souvenir un petit peu comme ça. Tu te souviens un petit peu ta découverte du hip-hop ? Souvenir marquant ? Ouais, ça va être vers 92. Même avant. Enfin après, vraiment le rap en lui-même, tout ce qui est... rappé comme ça, c'était plus les bails dance, tu vois, genre Too Unlimited avec les flows. Début des 90s, ouais. Ouais, un peu house rappé comme ça. Après, il y a eu MC Hammer, plus des délires comme ça. Après, il y a eu MC Solar. Et ouais, là, on arrive au début du... Ça, c'est vraiment au début où ça commence à balancer des flows et on se dit, ah, c'est quoi cette façon de faire, tu vois, et c'est, ça pète, tu vois. Et ensuite, c'est un peu plus spécialisé. On a rencontré des copains à l'école qui avaient des grands frères qui font passer les cassettes. Et du coup, vraiment le truc vraiment basé, quoi. Ça a été une cassette prêtée par une pote de classe. C'était Sage Poète de la Rue. Ouais, je crois que c'était leur premier album, je crois. Je sais plus, plus le titre de l'album, tu vois. C'est... Et en gros, voilà, toi, j'ai pris ça, j'ai copié. Et après, j'ai voulu plus écouter ce genre de son, quoi. Du coup, je me suis plus connecté à la radio, quoi. J'ai cherché les stations qui proposaient ce genre de musique, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais, je suis tombé sur des vibes, genre... Il y avait Nova, il y avait Fréquence Pluriel, il y avait Génération, YouTube 2. Voilà, pour les gens du coup déjà qui sont pas de cette génération et surtout qui sont d'ici, ça dit bien quand même que t'as pas grandi à Saint-Thé et qu'effectivement t'as vécu les 90s du hip-hop en Île-de-France. Massy, 91-300. C'est ça. Banlieue Sud. D'ailleurs, dédicace un petit peu parce que je pense qu'il y a pas loin de 25 ans, on s'était vu une première fois là-bas avant que nous deux, on soit Steph. Et du coup, toi, t'as commencé à écrire et rapper en banlieue parisienne dans ces années 2000 à peu près. Non, avant. Avant. 96, ouais. Ok. Beaucoup d'open mic, j'imagine, au début. Tu peux nous raconter un peu cette période ? Beaucoup d'open mic. Après, des rencontres avec des potes de quartier, des copains de classe. On a formé des groupes comme ça, éphémères. Ensuite, des démos. Et le premier projet, vraiment, avec une démarche... de cohérence, ça a été vers 2005, quoi, le À l'arrache volume 1. Ok. Direct, Monsieur Blodia, premier blaze, seul et unique. Ah, j'ai eu plusieurs... Enfin, à la base, c'était plus des blazes de tag, tu vois. Genre, c'est plus des recherches dans les blazes de tag. Après, ça a été, Monsieur Blodia, ça a été pour le rap, ouais. Et du coup, ça veut dire que t'as déjà, tu me dis, là, il y a deux piliers, il y a un peu deux piliers du hip-hop dont t'as déjà parlé, le rap et le tag. Dans les autres, t'as dansé un peu, breaké, tout non, ça, non ? Non, danser, non, je sais pas danser. Moi, je gigote. Tu gigotes, ouais, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. L'open mic, t'en fais pas mal par ici et t'en as souvent fait. Moi, les premières fois que je t'ai vu, c'était à chaque fois comme ça. Qu'est-ce qui se joue dans ce côté battle, démo et puis enchaînement un petit peu ? Toi, tu le vis comme une battle ou pas du tout ? Pas du tout, du tout, du tout. Moi, les battles, j'en ai jamais fait, tu vois. Tout ce qui est impro, tu vois, je suis nul en impro. Et tout ce qui est... Après, c'était plus entre potes, tu vois. Genre, dans le hall, comme ça, ça clash, vite fait, tu vois, ça c'est... Ça s'ambiance, mais sinon au niveau compétition, tout ça, non, c'est pas mon délire. C'est plus, voilà, j'ai des textes que tu mémorises, ensuite que tu veux performer, tu vois, avec les gens, tu vois. Les instruments partent et toi, tu poses ton texte, tu vois. Donc toi, t'as un rap qui part du stylo, vraiment de l'écriture ? Exactement, ouais, d'abord j'écris, je fais pas, je suis pas inspiré par les instruments. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, je le pose. Et après, je l'adapte aux instrus, tu vois. Tu grattes tout le temps ou... Ouais, tout le temps. Dans le train... Exactement, au taf, ouais. Au taf. Du coup, tu dois noircir des tonnes et des carnets, tonnes de pages. Ouais, qu'est-ce que carnets, tu gardes ouais. En fait, moi, j'écris en mode séquence, tu vois. J'ai à chaque fois, c'est des briques que j'ajoute jusqu'à ce que j'ai atteint la structure finale, quoi. C'est-à-dire que tu fais un peu tes blocs et ensuite t'adaptes un queutru, ça vient un peu dans tous les sens et tu composes. Non, c'est non. Vraiment linéaire, tu vois. Ok. Au fur et à mesure, j'ajoute. Et après, à la fin, voilà, ça fait un morceau. Après, je pars toujours d'un thème, je pars toujours d'une idée. Tu vois, j'ai une idée et après, je la développe. Et alors, avec le recul maintenant, t'arrives à voir une espèce de... Les sujets sur lesquels tu reviens, une espèce de sens global de l'œuvre des textes de Missy et Blodia. Ouais, très introspectif, quoi. C'était vraiment des états d'âme, des bilans, beaucoup là-dedans, quoi. Introspection, bilan, tu vois. Regarder le monde et essayer d'en parler. Regarder soi-même et essayer d'en parler. Après, c'est ma vision, toi, c'est ma relation avec le monde, quoi. Je fais pas un truc global, c'est vraiment ma vision personnelle à chaque fois, quoi. Ça part de moi, quoi. Carrément. Et alors, ce qui est un peu cocasse dans ta discographie, j'ai envie de dire, moi, c'est que t'as tes mixtapes, les À l'arrache. Ouais. Donc là, on en est au volume 5, si je me gourre pas. C'est exactement ça. Il est sorti en 2022. Et tes concept albums, qui pour le coup, là, par contre, sont l'inverse du À l'arrache, c'est vraiment une thématique album avec une ligne hyper forte, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu gardes ces lignes fortes sur un thème? Qu'est-ce qui fait que c'est, d'un coup, dans tout le bordel qui doit sortir de ton carnet, des mixtapes, des gens avec qui tu produis différentes instrus un peu à l'arrache, et d'un coup tu te dis, hop, il y a telle personne qui fait les instrus pour tel album, et ça parle que de ça? Donc en fait, moi je commence par le vécu, quoi. Il y a un truc... Il y a des moments de vie comme ça et tout qui s'imposent à moi et je me dis, bon, vas-y, il faut en faire quelque chose. Ensuite, par rapport à ça, du coup, je dirais que j'ai un thème, enfin, j'ai un titre, j'ai toujours le titre avant, le titre de l'album. Ensuite, par rapport au titre, je décompose pas au titre de l'album, après, je décompose en morceaux, quoi, en titre de morceaux. Et ensuite, je développe, tu vois. Ok. Et après, je vais quand j'ai vraiment toute la matière au niveau texte, c'est là où je vais voir les copains compositeurs et tout, où je les sollicite, tu vois, si ça les intéresse ou pas de taffer le truc. C'est peut-être le moment de parler de l'album 2024, Della. Voilà, Della, ouais. Ouais. Qui c'est qui a fait les instrus déjà? Tu peux présenter c'est un Emma petit peu Goldman, la prod. C'est Emma Goldman, aussi appelé Monsieur Sai en tant que rappeur. Emma Goldman, c'est son nom de compositeur. Du coup, il est basé allemand. Et... je l'ai rencontré via l'équipe Hip Hop Underground, la bande à Universal et à Création du Crâne. Monsieur Sai, il a joué 4-5 fois à Saint-Étienne. Monsieur Sai, il a joué 4-5 fois à Saint-Étienne. Ouais, plusieurs fois, ça fait une dizaine d'années qu'il vient, que ce soit La Gueule Noire, Misanthrope, etc. Moi, c'est sur celui-là, en discutant un peu avec toi, que je me suis rendu compte que tu avais quand même des commandes un peu précises. Parce que pour le coup, là, les instrus qu'il a fait pour Della ressemblent vraiment pas du tout aux instrus sur lesquels il rappe pour son propre projet. Ouais, quoi. Je lui ai fait une demande spécifique. Ouais. Comment il a pris ça? Bah, avec enthousiasme. Ouais. Du coup, moi, je lui ai dit, je voulais des morceaux planants, un peu. Tu vois, qui fasse un mood calme, tu vois, un mood détente, tu vois, hot aussi, tu vois, chaleureux, quoi, voilà. Ouais. Et du coup, il m'a envoyé pas mal de sons, une vingtaine, et puis à chaque fois, je disais, ouais, celle-là, non, pas celle-là, celle-là, celle-là, jusqu'à arriver aux 12, ce truc que je voulais, quoi. Et alors, Della, concept album, le texte, tu peux nous parler un petit peu de ce qui se déroule dans le disque au fur et à mesure et de Della, quoi ça parle? Della, ça parle de relations intimes entre deux personnes. Et du coup, c'est chaque morceau évoque des moments clés, quoi, de la relation. Yep, on entendrait ça dans le concert, même si, du coup, tu me racontais que t'as une manière curieuse de faire ta setlist. Tu pousses les vieux, rajoutant ce que tu apprends au fur et à mesure. Ouais, et du quand coup, je performe sur scène, ouais, c'est les morceaux que je défends, c'est par rapport à ma mémoire, quoi. Dès que j'ai un morceau que j'ai mémorisé, je l'intègre au set et j'enlève les plus vieux, quoi. Ok. Mmh. Donc c'est vraiment comme s'il y avait des piles de trucs sur une table et puis hop, on met le dernier truc et puis ça tombe exact. Dans la corbeille de l'autre côté. cet instru, du coup, un peu planante, assez boom bap aussi, boom-bap, ouais. Me faisait un peu demander. Tu en trap, en drill, tout ça. Justement, mon écriture, alors, elle est, la new school. Mon écriture, en fait, pour les autres genres de musique, genre trap, drill, tout ça. Faut écrire sur l'instru. Et vu que moi j'écris pas sur les instrus, du coup je reste au boom bap qui est plus libre. Tu vois, tu fais ce que avec le boom bap, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vraiment varier les flows. Alors que la trap, drill, tout ça, c'est très codifié. T'es obligé de rapper d'une certaine manière pour que ça passe, quoi. Ouais. Parce que au-delà du truc, il y a plus d'électro, il y a de l'autotune, etc. Ce que je me demandais, et moi je sais que j'ai eu un peu du mal à ce niveau-là au début, c'est justement le rapport au flow, il a changé. Mmh. La technicité un petit peu du flow, qui était un ingrédient assez essentiel du boom bap. Ouais. Toi, t'as réussi tout de suite à trouver le repère sur cette nouvelle manière de chanter, et d'ailleurs de chanter autant que de rapper maintenant presque. Personnellement, moi, je le fais pas, tu vois. Ouais, ouais. Et mais dans après, ce que t'écoutes, je veux dans dire dans ce aussi. Que j'écoute, ouais, c'est de la musique après, tu vois. Il y a des morceaux bien faits, des morceaux mal faits, et puis tu tries après. Maintenant, avec Internet, t'as beaucoup de choix, quoi. T'es obligé de trouver ton bonheur. Mmh. Du coup, j'ai pris les nouvelles tendances avec enthousiasme, toi, tranquille. Il y a vraiment des bons sons qui sortent. Ouais. Je voulais parler des concerts aussi, parce que tu fais partie des gens qu'on voit souvent. Soit en train de faire des petites vidéos pendant les plus concerts, photos. Bien, plus photos. On me sort vidéo, ça c'était... Ah, je croyais que tu filmais, moi. Ça c'était il y a quelques... Ouais, je comprends, parce qu'il y a quelques années, ouais, j'étais en mode vidéo, tu vois. Mm. Là, depuis quelques temps, c'est plus... Je suis photo, tu vois, basé photo, accès photo, tu vois. Et c'est vrai que je te vois pas mal au concert de rap, mais à plein d'autres concerts... Ouais, toi, en vrai, le rap kiffes, à synthé, c'est rare, tu vois. Bah, il y en a pas tant que ça, ouais, après, moi, ça... comment dire. Moi, ça me dérange pas, en vrai, parce que... Moi, c'est la musique en général que j'apprécie, tu vois, ça peut être la noise, ça peut être la musique, basse musique, électro, ça peut être des trucs de punk rock, tu vois, je suis parti d'un groupe punk rock, Pervers et Truand, tu vois, ça peut être plein de styles, tant qu'il y a une dose de sa vibe, tu vois, qu'il y a... Toi, t'aimes les enceintes, quoi, le ouais, plus important, voilà, c'est les enceintes. Voilà, ah, justement, je voulais te faire parler du punk, c'est un truc que tu connaissais avant synthé, t'as découvert par ici. Découvert ici. Ouais. Ici, ouais, à la base, j'avais pas de culture punk rock, tu vois. C'est en arrivant en 2008 et tout, avec par rapport au festival Underground Hip Hop Festival organisé par Universal et Création d'Ukraine, qui sont eux très localisés sur la scène militante punk anarch, tu vois. Du coup, qui mixaient un peu ces ambiances de squat et de musique rap, tu vois. Et du coup, c'est en arrivant là que voilà, je me suis fait une culture punk rock, tu vois. Donc t'es rentré par ce un peu punk reggae raga, un peu à l'ancienne, le mélange qu'il y avait et qui fait que ce qui fait lien, c'est presque plus une espèce de manière de faire de la zik que la zik en elle-même. Exactement, ouais, DIY. Ok, j'avais envie de te faire parler aussi juste avant le concert, parce que rassurez-vous, on va arrêter de parler et il va envoyer son live. Ce que c'est de chanter avec un groupe de punk noise hardcore derrière soi quand... Ah, ça tue, ouais. Ça tue, c'est une manière différente d'aborder la musique. Moi, à la base, je suis plus en solo, après mes années plus jeunes, je suis plus en mode collectif. Et ça kickait, tu vois. Alors que là, c'est vraiment genre avec des instruments en live, tu vois. Et avec aussi l'effet groupe comme ça et tout, moi j'aime bien, ouais, ça. C'est un bon délire, ouais. Là, tu vas être dans une autre ambiance, je décris pour les auditeuristes. Du coup, le concert est ouvert à pas mal de monde, mais il faut bien avouer que c'est pas facile. Moi, j'ai zéro fan base, hein, tu connais, depuis tant d'années, on s'habitue. Après, on n'est pas... Voilà, j'écris un morceau sur Radio L'Enfant, ça s'appelle Rap pour moi, tu vois. Sans manager, on est là, on fait son autre truc. Et après, s'il y a des gens qui apprécient, voilà, c'est bien, tu vois. Mais après, on n'est pas à la recherche de popularité ou quoi, tu vois, on fait notre truc, et puis si ça plaît, ça peut pas, on continue, on fait ça pour soi, en mode thérapie musique, t'as vu. Ouais, après, si on avait fait le concert à 19h ou 21h, il y aurait peut-être un peu plus de démons. Ouais, peut-être mais là, deux personnes, deux, trois personnes en plus. Ouais. Allez, là, il y a quand même Myria qui va avoir un concert private. Yeah, yeah, yeah. Spécial pour tes oreilles. On va donc commencer, t'es chaud? Ouais, ouais, ouais. Alors tu rapassis ou Rapassis. Allez, rapassis, à la cool, tranquille. C'est le micro jaune cette fois. Ouais, ouais. On va écouter Monsieur Blodia donc pour 3 calors de live enchaîné sur le 8-9-5 de Radio Dio. Radio Dio 89.5 FM. Plus fort, j'entends rien. Radio Dio. Adulte enfance. Les cheveux longs et bleus. Docteur Curie, dédicace. Monsieur Blodia. Langue de brut. Di-di-di. Yo. Ça fait. Chacun son parcours, mutin pris de court, putain qui compte à rebours, vécu complexe comme toujours, ce que gâche le discours, quand t'as marre discours, c'est un pour la rime, deux pour la propagande, à qui profitent les crimes, quand ils se demandent, ils pointent leur ennemi, les petits les démunis, la bouche pleine de mépris, ni les contextes de survie, ils se construisent une image par opposition, l'utilisent en modération, bâtis sur la domination, pas choisi leur nomination, on se les rapproprie par obligation, on a compris, on n'a pas de remise en question, c'est tout réfléchi. Réfléchis quelques diversions, beaucoup d'inertie, diversion et la vie du jury. Ma transgression, l'ordre établi. Nouvelle appellation, fils de brut. Langue de brut, ok. Yo. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Yo. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Les gens conversent, de l'encombre presse, des pertes et des pertes de justesse. Alerte, ça disserte sur la pureté de l'espèce. Reprendre fatigue, ils veulent défendre qu'on est susceptible. Pour eux, des broutilles, pour nous, ça bousille. Du taf sur soi, la sagesse. Quelques tafs pour moi, fumée épaisse. Le brouillard se dissipe, des brouillards, ils dissipent. Part du principe que tous on participe à l'évolution du langage, à la du verbiage, du sens dans le stock de mots. Renseigne sur l'époque et ses taux de pression, d'imagination. Ce que nous taisons en dit long. Confirmé par Dr. Fano, confiné dans leur collimateur, je demande pardon. Je fais gonfler comme un gars qui connaît pas les procédures. J'ai signé un contrat plein de charabia pour rendre ma vie moins dure. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Yo. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Corps du corps. Ils feront pas gober leur neutralité, leur intérêt guide leur pensée, tout comme les miens, logilitrie, bouquin, robinetterie, coussin, je propose en bien ni au mal monstrueux. J'ai analysé ce qui monte sur eux, un certain talent à ce petit jeu, je donne pas ma langue au chat croteux. À qui la faute, on n'en voit pas la fin, la barre est tellement haute, parfait pour tout un chacun, parfait pour la frustration, pour celui qui a plus d'action. Ça remonte à quand ils avaient un besoin urgent, soumettre des gens qui passent leur bonheur gratuitement, à eux les honneurs, aux autres des mots savants, des mots qui justifient, qui disent c'est pas des humains, c'est des Ouistiti. Pire, c'est des sacs en main qu'on vit, qu'on remplit. Jusqu'à leur fin de vue. Oh. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Le poids de leurs mots dans leur livre de mort. L'ont posé comme un sceau, l'ont posé comme un sort. Capitalisé hélico dans le langage du corps. Monsieur Blodia, Docteur Curie. Plus fort, j'entends rien. Aïe. Radio Joe. As-tu l'enfance? Yo. Yeah. Merci. Qui a la ref? Qui a la ref? Moi, je suis yeuf, quoi. Yeah, yeah. Local, local. La folie est locale, le produit est global. Le produit est local, le produit est global. Le produit est folie, la folie. Les histoires du coin du moins, c'est qui me font du bien. Je retiens les vilains, sont brûlés à la fin du carnaval. Pour bien de la communauté, entretien soin local. Des troubles à la psyché, des foules qui viennent se lâcher. Y'a du monde sur les ondes de Radio Dio. Émission après émission, c'est pas dodo. Dans la pauvreté, dans la dépendance, parler de liberté, toucher l'audience. Le ministère veut voir ça plus près, c'est lui qui gère le coup près. Il veut des preuves du succès, les sous ils peuvent les sucrer. Blair office de brut sur un air de flûte. Fous les nerfs au cul, faut le faire, on lutte. Dans un espace-temps restreint, le plus ancien du tremplin, le fondu dans le décor, le rendu du folklore reconnu d'abord, hommage à nos rues, à nos morts. Red Rock, oi. Global, local. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Oh. Concentration, nous sommes en pleine concertation. Ça parle concert à fond de conserver l'action. En tête sur net, en 7 dans le 7. En quête de terrain, en quête de refrain, de slogan, de synthèse, de moments comme à la messe. L'aisance vient de la connaissance, de la méfiance à la connivence. Puis j'avance, puis j'agence. Je reconnais les visages, la netteté de l'image. Fais les mouvements dans le paysage, j'anticipe les virages. Participe au clivage, dissipe les mirages. À proximité des yeux, similarité des besoins. Imiter les vieux, cimenter des liens. Un tatou, un dessin, un atout, un destin. Dans mes mains de saint, tout va bien, dit le médecin. C'est point de vie sans saint. À chaque lieu ses protections, à chaque dieu ses réclamations. Global, local, Radio Dio. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon encéphale. La folie est globale, le produit est local. Radio Jones, j'entends rien, plus fort. C'est ici que ça se passe, certifie l'effet de masse. Sous le chapiteau vert, sous le drapeau noir. Les couleurs du repère, les douceurs du répertoire. Réunis là, en soutien, tu sais qui, tu sais quoi. Je grandis là, y'a moins de faire qui défaire ça. Le référent, le pivot, les passants, les locaux. Les passants, les locaux sont mes gens, mes héros. Je suis pas un... Je suis un gars du milieu, après les groupes y'a bien boum boum boum. Au vieux cœur qui bat au rythme des ébats, des débats. Mes états dans le cœur, là vers le bas ou autre part. En veux-tu, en voilà, en vertu des droits que nous n'avons pas. Sa gueule est si sac. Je m'aurais fait le rythme passe par là. Ah, si si si c'est si que ça se passe. Si si si c'est si que ça se passe. Radio Dion, c'est Blodia, Docteur Curie. Adulte enfance. La folie est globale, le produit est local. Ma demeure principale, c'est mon nom, c'est Paul. Ya ya, ya ho. Plus fort, j'entends rien. You. À la rage, volume 5. Des bouts de miroir, des gouttes, j'aime me voir en grande quantité. Jamais rassasié sans complexité, ça mène à creuser. Des bouts de miroir, des gouttes, j'aime m'y voir en grande quantité. Jamais rassasié tant de complexité, ça mène à creuser. Griselda. Goût de rêve, goût de grève, tout élève, goût de wave, sous dans le rêve, l'âme de fond, roule sans trêve, le gramme sans bon, les flammes s'en vont, les drames sont longs, les joies sont courtes, les bons choix coûtent, faut en profiter, tout est profilé. J'ai la vigilance du centre, je fais la différence entre aller au bout de l'action et les goûts, les colorations, des déclarations, pas de décoration, pas d'image, ni de bon point au mariage. Des gens du coin, des gens du milieu, à défaut de mieux, les méchants, les gentils, ça simplifie la vie en même temps. J'ai appris comment ils amplifient par le rythme. Alors ici ça rapporte que chi. Le conflit est réduit à du ressenti. C'est la routine que je lui dis. Elle a fait comme si première fois de sa vie. Des plus slash politique, expulsage de la critique. Des bouts de miroir, des cool, j'aime m'y voir en grande quantité. Jamais rassasié, tant de complexité, ça mène à creuser. Des bouts, des bouts, des bouts, des bouts. des bouts de miroir, des cool j'aime y voir en grande quantité, jamais rassasié, tant de complexité, ça mène à creuser. Des bouts, des bouts, des bouts, des bouts. Sali, sali, puis sali, font s'ils ne pas connaître les règles du jeu. Au stylomètre, je ne ferme pas les yeux, veulent faire des omelettes sans casser des œufs, sans casser les couilles, sans castrer en eux. Dommage et fribouille, hommage aux dépouilles, sauvetage dans la fouille. De ce qui me ressemble, de ce pays, je les rassemble. Des fragments d'idées, oh, des morceaux d'identité, vachement liés au flot des rapports avec l'immensité. Cumul de connaissances, trop nul, tu perds patience, production et perte, l'occlusion est nette. Je suis dans l'entretien, je suis dans l'ordre des liens, poubelle de riche. Poubelle de pauvre, pour elle je mentis, je parais, je me sauve, pareil que la faute, pareil que l'autre, ou presque inceste, un soupçon. Est-ce que mes rêves serviront? Des bouts de miroir, des coups, j'aime m'y voir en grande quantité, jamais rassasié, tant de complexité, ça mène à creuser. Des bouts, des bouts, des bouts, des bouts. Des bouts de miroir, des coups, j'aime m'y voir en grande quantité, jamais rassasié, tant de complexité, ça mène à creuser. Des bouts, des bouts, des bouts, des bouts. À la rage, volume 5. Pas sur Radio Dia. DJ premier, tu connais. Je vais au niveau zéro, niveau psychosocial. Si ton chien, si ton chien, niveau du milieu, niveau psychosocial. Prime sans rien deux non plus que ce engain buzz. Mon cul peu long, je gère mon flux à mon niveau, entre le caniveau et le rez-de-chaussée, si ma rehaussée. Jolie vue sur fossé, la story puis le jeu faussé. Les fils de brutes l'ont créé incarné. Je suis dans les chutes, les robots notés dans le carnet. Des stats sans soin, les stars sont loin, que tu me maintiens, ni plus ni moins. Ça va et vient, qui t'est rejoint, je m'abrite et chasse la fin. Une place dans le temps, l'impasse fait de sang. Trop pauvre pour être envié, point assez pour faire pitié. Montra pas plus haut, contrat pour de faux. C'est là sans cesse social face aux défenseurs du Graal intégral en DVD dans l'intervalle. Ils ont tout vidé, tout miné, tout signé. Niveau 0. Yo. J'vis au niveau 0 lié aux psychosociaux. J'vis au niveau 0 lié aux psychosociaux. Aussitôt dit, aussitôt clos. Nouveau deal, même lot. Nouveau cycle, même mot. 40 ans au niveau 0 de carton Obama, héros, ma bio en audio, c'est pas la vidéo des JO. Ni le rêve, ni le flip, j'observe ma grip, j'recorde des publics, pas de record, même celui du plus pourri. Du coup, oublie le suivi, l'intérêt pour le produit, j'suis qui? L'imparfait, le compromis, l'effet placé, beau rap et haut pour l'apéro, quand plat et beau se marie bien, je parie rien, je joue sans grain. Les coups valent un grain, on est plein dedans, c'est rassurant, quelques-uns devant, c'est captivant. Pour préciser, va rien se passer. Classisé, genre SA, c'est encastré, je fais qu'entasser. À fond dans le registre, par millions, j'enregistre les similitudes. Pas fait mille études, par habitude, je recherche la zénitude. Radio Joe. J'vis au niveau 0 lié aux psychosociaux. J'vis au niveau 0 lié aux psychosociaux. Aussitôt dit, aussitôt clos. Nouveau deal, même lot. Nouveau cycle, même mot. Vous trouvez que c'est de la belle musique? La belle musique sert à cacher les injustices et la corruption de la société. Ah, ok, alors ce n'est pas très bon et ils sont au courant. Bah ouais. Oui, comme c'est tout ce qu'ils ont en dedans, c'est ce qu'ils ressentent. Et ils n'en ont pas de talent, ils ne veulent pas en avoir. Allez. Parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe quand notre passion est plus grande que les outils qu'on a pour y donner libre cours. Ça crée une énergie qui est... C'est totalement brut. C'est génial. Yeah, nickel, c'est bon. On est bien là. Plus fort, j'entends rien. On est bien là. Aïe. Ici est Blodia sur le 895. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Yeah. Jouer le jeu, trouver le feu, tous les deux clouer le pieu. sont dans la construction de creux, dans la production de nœuds. Le lien sacré, c'est bien s'appeler. Avec rien sacré, avec plein sa paix. Y'a celui qui consomme, y'a celui qui rapporte. La vie en somme, la mort l'emporte. Y'a les sous qu'on rend, y'a la soupe des concurrents. Y'a les coups qu'on prend, y'a les corps qu'on reprend. J'comprends les subtilités, le temps subdivisé. Mon score est médiocre, mon rang dépend. J'm'en sors à TikTok, mon sang se défend. Le fils de brute se répand, le fidèle se détend. J'le tiens fermement, j'obtiens tellement les éléments de son élèvement. Les niveaux de perception, les rivaux, leur conception. Pris par le jeu, j'prie pas le Dieu, j'dis adieu à qui m'en veut. Du pic au creux, à qui mieux duplique un peu. Milliard Dieu, pris par le jeu. Pris par le jeu, j'prie pas le Dieu, j'dis adieu à qui m'en veut. Du pic au creux, à qui mieux duplique un peu. Milliard Dieu, pris par le jeu. Dedans trop temps, dans peu d'espace, de grands changements dans la matière grasse. Dehors trop d'espace, pas assez de temps. Le remords ça passe, l'adage s'étend. Sur toute la surface, surtout à l'allure des masques. Que l'argent rend, que l'art engendre des émotions fulgurantes. J'ai des notions sur les légendes, ce qui plaît aux gens, qui est du sang, de la résistance, de la résilience. Le jeu sous colombasque, métamousse mon masque. Je puisse te sentir toute la journée. Une esquisse peut sentir où l'amour. Ils s'unir pour tout retourner. Ils se prémunir par voie détournée. Ils se punir pour avoir échoué. Pris par le jeu. Qu'est-ce que tu dis, tu connais ou pas? Pris par le jeu, je prie pas le Dieu. Je dis adieu à qui m'en veut. Du pic au creux, à qui mieux duplique un peu. Milliard Dieu. Pris par le jeu. Pris par le jeu, je prie pas le Dieu, je dis adieu à qui m'en veut. Du pic au creux, à qui mieux duplique un peu. Milliard Dieu, pris par le jeu. Invente-toi un personnage et souviens-toi que c'est Caro. C'est lui qui doit y croire. Te laisse pas prendre au jeu. Bah non. Je vends un fantasme à mon corps. Une illusion, je vends, tu vois, du rêve. Puisque j'essaie de laisser la porte verrouillée. À la rage, volume 5, la Loire à boire. Monsieur Blondia, we got London on the train, on the train, on the train, on the train. C'est pas la Loire à boire, y'a des phares dans l'histoire. Et là les voir c'est le croire, et v'là le devoir de mémoire. C'est pas la Loire à boire, y'a des phares dans l'histoire. Et là les voir c'est le croire. Fond dans le sentimental, je fais dans le fondamental. Exprimer sans faire des tonnes, des idées, j'en ai des bonnes. Résister pour pas perdre l'heure de vue. Désister, bien le bonheur chez vous. Désirer par les chercheuses d'imprévus. Résider dans ses yeux jusqu'au bout. Pas d'histoire sans cercueil, je crois pas tout ce qu'il y a dans le recueil. Pas d'exutoire sans seuil, j'accrois qu'à les sous dans la feuille. Les sélections se font, la position du fond, les formations se fonde sur la transformation du monde. Prend du plaisir à ça. Dépend du désir des fils de brute. Descend du délire quand ça s'attendre au pire récit de la chute. La fin qui débute, la main dans le calbut. J'l'ai vu venir, rien vu fuir. À la rage. C'est pas la Loire à boire, y'a v'là des phares dans l'histoire. Et là les voir c'est le croire, et v'là le devoir de mémoire. C'est pas la Loire à boire, y'a v'là des phares dans l'histoire. Et là les voir c'est le croire, et v'là le devoir de mémoire. Radio Joe. Soigné dans un... Noyer dans un verre d'eau, c'est compliqué. Soigner les plaies du cerveau, c'est indiqué. Saigner l'album, l'apprendre par le cœur. C'est né de la com entre art et sueur. Flash de l'acquéreur, cash, like et la terreur. L'émotion amène légumes, les commotions amènent les dunes. J'ai retenu les numes, j'ai pas cru la une. Trop simple et sur influence, tôt j'insiste sur les nuances. La vue du vide, l'abus du liquide. Remplir le site, sentir la fuite, l'érosion, les moussons. Limitation et dépassement, ça cogite sur le banc des remplaçants. Sur les porteurs de flotte, supporteurs de boîte. Combien de litres, combien de titres. Je retiens la cuite, j'oublie la crue. Je suis dans la suite, pas dans l'actu. Oh oh oh oh. C'est pas la Loire à boire. Y'a v'là des phares dans l'Isard. Et là, les voir, c'est le croire. Et v'là le devoir de mémoire. C'est pas la Loire à boire. Y'a v'là des phares dans l'histoire. Et là, les voir, c'est le croire. Et v'là le devoir de mémoire. À la rage, volume 5. Radio. Plus fort, j'entends rien. Ah ah ah. Kenny West, tu connais Kenny West? Parquez-vous. Les milieux donnent le ton, les enjeux font la forme, ou forme le fond. Toujours je m'informe sous le rap ou militant, sur des rap en imitant, sans faire le bilan sur moins 50 ans. Ils s'insèrent pas complètement, pas de surhumain, juste des pratiquants sans différence, au prix de l'élan, pour suivre le public, pour fuir la masse. Pour divertir, faut du fric, pour convertir, faut de l'impasse. Les forces s'attirent, martyr ou s'attirent, j'ai bien compris, vous voulez un avenir, j'ai plein copies pour envisager l'avenir. Les contraires s'affrontent, les confrères racontent, tout est à sa place, tout est moment de grâce, fou à la base, doué pour un as. Grand lumière sur une clique, récompense, procès étatique, pénombre sur un rat, punition, procès de camarade. Par quel bout, par quel bout, dis-moi, par quel bout. À la rage, volume sec, monsieur Bloody. Aïe. Tout dépend par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Le raisonnement est flou, l'assortiment est fou. Tout dépend par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Selon le schéma hiérarchique, c'est bon, le scénar est rachitique. Sa compréhension est bénéfique. Sous production, je peine pas dans le fric. Oh là là, la perf, Obama, la ref. Le genre après la race, les gens d'après les traces. Je le rentre après la passe. Le vent calé, la classe. Où la chance, tout dépend. La puissance du rang, la nuisance du clan, la naissance des remplaçants. La quantité de fils de brut, la qualité de la piste de lutte. Eux aimeraient de la hauteur pour la sphère, jamais sans leur frère. La tentative est incroyable, la dérive récupérable, ça sert le groupe. Stop, je flaire ce qui est jouable, tout est noté dans l'agenda. Les priorités de haut en bas, sur côté ce qui rapporte pas, sous côté ce qu'il manque de bras. Par quel bout, par quel bout, yahoo. Tout dépend, par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Le raisonnement est flou, l'assortiment est fou. Tout dépend, par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Bagage culturel, barrage conceptuel, inclus pour imitation, exclus pour limitation. Sont dans le métier de l'orca, sont dans l'amitié de blabla, sont dans atteindre des objectifs communs, sont dans éteindre les polémiques. 0-1, balle au centre affiché, mal au ventre, je suis une rivalité au sein du boyau. Une fois digéré trop bien le tuyau, je sais pas où prendre et vers où tendre. Sans attente, immodérée, sont dans la jante à fédérer, sont dans l'urgence à être aimé, sont dans la pertinence à adhérer. Question de logistique de moyens, quelques dons dans la brique le plein. À la rage volume 5. Y'a un ravin entre la pratique et le théoricien, entre le public et le magicien. Du prolifique je me souviens, pour l'optique d'un soutien, dans l'optique d'un maintien. Par quel bout dis-moi. Tout dépend, par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Le raisonnement est fou, l'assortiment est fou. Tout dépend, par quel bout tu le prends, où tu te rends, si t'as pas tout le plan. Le raisonnement est fou, l'assortiment est fou. Plus fort, j'entends rien. Radio Joe. Alors, je veux une 5. Effort, récompense, réassort, recommence. Contrainte pour des clous, contrainte pour les coups. Porter sur les rois, lutter pour ses droits. Éloigne de l'assimilation, je soigne la relation. Avec une bonne dose, j'ai mis le mobile du crime, la combine en prime. Ça leur apporte des saveurs de toutes sortes, des faveurs pour l'escorte. À l'heure la plus morte, j'ai l'envie la plus forte. Sans maîtriser la porte, je mémorise vers ma chair. Mes cicatrices sont mère-père, tes caprices sont les propriétaires. Quand c'est propre, ils réitèrent. Lavage de cerveau, sans cette opigère ou hystère. La cage sert le zoo, la marche pour faire le beau. La page couverte de mots. Yo. Récompense, punition, à quoi tu penses quand t'as plus de munitions? T'as encore tes chances avec l'omission. Ressort qui compense les résolutions. récompense, punition. À quoi tu penses quand t'as plus de munitions? T'as encore tes chances avec l'omission. Ressort qui compense les résolutions. Pas le choix, coopère, négocie ta chute. Avocat hors pair, au crochet des fils de brut. Le poisson mord à l'hameçon, le poison tord l'émotion. Au bout de la carotte, ils les suivront. À bout dans la grotte, ils les fuiront. Mis à mal pour une route, mille balles pour une croûte. Qui gagne plus que l'autre, qui épargne juste pour l'autre. Il a la dot, elle a la cote. Only fan, donne-lui man, money time, l'ennui drame. L'attention est à son comble, l'attention va à la bombe. Le fétiche, le fait des tiches, là j'ai lu l'effet trop noir. L'élu le fait pour voir. L'amélioration amène admiration à sa mort. Au maté les boulets dons, en sa forme, prends-le le bouton. Uh-oh. Récompense, punition. À quoi tu penses quand t'as plus de munitions? T'as encore tes chances avec l'omission. Ressort qui compense les résolutions. Yeah, yeah, yeah. Récompense, punition. À quoi tu penses quand t'as plus de munitions? T'as encore tes chances avec l'omission. Ressort qui compense les résolutions. Dédicace de mentaliste pour les scratchers. Ah. Radio Dio, Monsieur Blodia. J'entends rien, plus fort, plus fort, plus fort. Monsieur Blodia, faire de soi. Vont et viennent la diaspora, advienne qui pourra. Faire d'une aura toute pourrie, une cora éblouie. Faire de soi, fier de ça, je peux être un autre au vu des stats. Paraître des vôtres au lieu des blattes, du pire débattre, au mieux abattre les structures mortes. Ces structures le temps de s'y faire, de ne pacifier la zone pacifiée, l'ozone déjà criblée, solution rarifiée, proposition tarifée, la chose plastifiée, les clauses récitées, les doses bien tassées, les poses espacées, je suis satisfait, je cause de facilité, pour qui, pourquoi, jour J Blanca, Monsieur Blanca. Remplir le vide, cocher les cases, sentir la bride, sortir de la vase, rester lucide, mettre les gaz. Remplir le vide, cocher les cases, sentir la bride, sortir de la vase, rester lucide, mettre les gaz. Fils de brut dans le moule, puisse la lutte tout résoudre. J'traverse la foule du grain à moudre. Des gains en cours, des mains autour, des soins par jour, les besoins d'amour. J'fais mon truc avec un bout du leurre. Ils ont vu que la tech est sans douleur. Ça coule de source jusqu'au bout de la course. Du respect pour la filiation, du fait exprès pour la création. Tout est à eux, le mix est à moi. J'pouvais pas mieux, j'teste le goût que ça a. Mes imbrications, mon implication. Profiter des failles de l'opposition. Allier ce travail à la jubilation. Quelques dispositions à souligner. Quelques précisions à dérouler. Quelques incisions pour me retrouver. Remplir le vide, cocher les cases. Sentir la bride, sortir de la vase. Rester lucide, mettre les gaz. Yeah, yeah. Remplir le vide, cocher les cases, sentir la bride, sortir de la vase, rester lucide, mettre les gaz. Je suis morte sur ce gibet. J'ai été sauvée in extremis. Tout ce que je vis maintenant, c'est du rap. Ce que je n'avais pas saisi avant ce matin, c'est que lorsqu'on est déjà mort, on est libre. Bah ouais. Ça, c'est un putain de pied. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Merci. Monsieur Blodia, chaud comme la braise. Je suis dans le fleuve de pensée qui mène nos logis à la source. Je m'y abreuve des sens et qui m'aide à jure de la course. L'essentiel y est, le fait d'aller le potentiel est lié au fils de brut. Erreur et séparation, erreur et réparation. Les départs gagnant, gagnant, je suis client. Les bagnants, n'y en en suffisant. Les arrivées en complément, des arts variés comprenant. Détresse et puissance, faiblesse et résilience. Ma résidence appelle cohérence. Leur présidence rappelle opulence. Des pour des contre et l'indifférence. Toujours la montre et le taux d'audience. L'optimal pas par ici face à l'élu de la fratrie, j'ai perdu la partie. Capital sympathie, moi qu'un chat, c'est chaud. Point d'impact, tu chaud. Yo, Radio 2. La valeur affective pour l'essentiel. La mémoire sélective pour référentiel. Noir à la dérive pour plan vu du ciel. La valeur affective pour l'essentiel. La mémoire sélective pour référentiel. Noir à la dérive pour plan vu du ciel. En aucun cas de l'impro, besoin d'un tas d'infos sous le rap. Les discriminations sur du cap, la destination un mur en verre. J'ai lu l'envers, j'ai vu l'expert, j'ai retenu l'air. Pas de bague à l'annulaire, pas de blague avec ce qui rémunère. Du cœur à l'affaire après, après avoir limé le nerf. Le revendeur est prêt, dopamine et endorphine. L'algorithme sort de l'usine. Les meilleurs choix pour l'en meilleur de voix. Par leur profondeur de soi, calé durant de nombreuses heures, je me dois. L'épanouissement sans prank, j'ai pas nourri le manque. Considération positive, stimulation cognitive. L'essence même, l'essence mène au cœur du problème. À l'auteur de la gêne. La mémoire, la valeur affective pour l'essentiel. La mémoire sélective pour référentiel. Noir à la dérive pour plan vu du ciel. La valeur affective pour l'essentiel. La mémoire sélective pour référentiel. Noir à la dérive pour plan vu du ciel. À chaque instant et pourtant il ne voit rien. La musique, le cinéma, les arts, les uns les autres. Le monde est aussi rempli que les gens sont vides. C'est blindé. Cet endroit, ce temps paraît tellement inerte et stérile. Très différent de ce que j'avais imaginé. Ces couloirs hantés, le rythme du temps qui passe. Les gens submergés par leurs émotions. Obnubilés par les biens qu'ils possèdent. Entièrement dévoués à leurs obsessions. Ils se perdent dans le virtuel. Le romancier ? Dans les souvenirs. Passent à côté du présent qui les entoure, enfermés dans un passé qu'ils espèrent retrouver. Les deux singes. Oui, oui, oui. Mia, t'as la ref. Amour est fini, mise à jour du feeling. Qu'est-ce qu'il est défini, plan de vie et meeting. Dans l'intention, dans l'attention. L'obsession est hallucinante, la possession est déterminante. Comme glucides et lipides, le vide rempli de monde. Du solide au liquide, le gris pendant 10 secondes. Oh yeah, c'est habitué, taillé pour amplifier. Collectage du spécimen. Je le reconnaîtrai entre mille ou sans visage. Une référence humaine, on est connecté. Je ne fais pas de bile, de l'art tout barre. De là tout barre, le jeu le mieux, le jeu au milieu. L'appellation est contrôlée. Le créateur est trop trollé par rapport. Ah selon le, j'ai pas de pourquoi que des vœux. Amour ou filiès, gourou, si si le tour est mimi. Là pour les acquis, le gourou a dit, le tout le cours est fini. Amour ou filiès, gourou, si si le tour est mimi. Là pour les acquis, le gourou a dit, le cours est fini. Le réconfort les unit, le contrôle sur leur vie, qu'on honore, qu'on punit, contrôle sur l'ordi. Fils de brut décortiqué, cogite de lutte sophistiqué, jaugeage en promiscuité, sauvage et domestiqué. Le premier fait pression, le second fait pitié, affecté selon le degré d'exposition, fécond, relié au tréfonds du bourbier. Du fun au vin, du jeune profane, au vieux initié, les humidifiés. La paire du préféré, l'alerte est donnée, remplacée dans la foulée, la pointe étanchée, la coulée. Le doudou est doux, le chouchou est chou, chouchou chaque jour. Le loulou est lourd, réclame, réclame, sésame. La dose est en cours d'acheminement, je cause toujours d'enchevêtrement. Amour ou fili, amour ou fili, est-ce gourou, si si, le tour est mimi. Là pour les acquis, le gourou a dit, le cours est fini. Amour ou fili, est-ce gourou, si si, le tour est mimi. Là pour les acquis, le gourou a dit, le cours est fini. À la rage, volume 5, Radio Joe. Plus fort, j'entends rien. Allez, on passe à Della. Le dernier morceau. Yo. Le dernier album. Composant. Les composants, mon bien-être, notre aptitude à nous connaître. Pas trop causant sans sujet, fils de brut dans tous les QG. À en juger son lancé, elle a pu s'en manger. J'ai dû m'arranger sur les imprévus, je suis branché, résolu et monté. J'ai reçu le pamphlet, contenu amplifié, le rendu au WC, le maintenu authentifié. Elle a tenu à rappeler l'étendue de ma clarté, mon équilibre là-dessus, personne n'est libre au-dessus. Besoin de sommeil, de récup, besoin de soleil, je décupe ma concentration, ma compréhension. Trop d'imagination, d'émotion, l'éponge dans l'ascenseur, se ronge les sangs jusqu'à bas d'heure. J'suis pas autiste, j'suis pas citri, j'suis terre à terre, j'aime terre et plaire. Avec la chimie de l'esprit, j'en crie après Albrecht, les tragédies donnent de l'inspire. Ma routine m'aide de tech, la foule de stress aussi. le deal fait avec la chimie de l'esprit. Genre qui après y'a le break, les tragédies donnent de l'inspi. Ma routine met de tech, la foule le stress aussi. Chimie de l'esprit, j'ai mis d'énergie, pas rester pris, les stimuli ne répartis, de l'appétit pour les pensées qui solidifient, de l'âge pétri, les romances et puis les tri, courant électrique, étouffement hermétique, souvent un mètre lasique, sous un pilar en fourrique, ce pilar en mélancolique, ça varie, c'est cyclique, mais dans nos styles atypiques, ça me ravit, c'est classique, l'élan est indélébile, c'est... C'est pratique, recherche de stabilité, me dépêche de piger ou crèche sa sensibilité, pas la confondre avec sa susceptibilité, ne pas m'enfondre dans les probabilités. Ça plus ça plus ça plus ça égale ça jusqu'à plus soit, je focus sur ça, l'équilibre du flux cérébral, très petit, j'ai vu que c'était vital. Bella, Bella, Emma Goldman. Ciao. Le deal fait avec la chimie de l'esprit, gens qui après y'a le break, les tragédies donnent de l'inspi. La foule et le stress aussi. Le deal se fait avec la chimie de l'esprit. Jean qui a pris un break, les tragédies dans un skill. Mort ou tu mets le deck, la foule et le stress aussi. Yahoo! Bella, Monsieur Blodja et ma Goldman. Radio Joe, plus fort, j'entends rien. Bella, Bella, Bella, Bella, Bella. Rendez-vous des mineurs, hein, vendredi 21 juin. Paramine Crew, tu connais ou quoi? Cred Rock, Cred Rock, Cred Rock. Yo. 42 000 dédicaces. Ben ouais. Yeah. Merci. Allez, dernière pour la route. Je fais confiance à mon alarme interne. J'aurai la science du vacarme à terme. Je suis parti un genou à terre. J'aime quand elle trouve les termes. Quand elle move sans gêne, quand elle move sans peine. Les fils de brutes sont repérés. Des dizaines de minutes à en parler. La vie c'est la lutte, la mort c'est la chute. Et puis les humains sont médiocres et pris des moins pires dans le stock. Victime, bourreau, sauveur, le trio choc, l'estime du boulot sur les peurs, joli socle. Trop de choix, tu le choix, qu'elle me dit. Chaque fois je pense à l'état de l'énergie, entre envie et compromis. Je suis en vie, j'en fais pas trop promis. Checker les opportunités, tester les possibilités selon mes capacités. Échapper au regret, j'ai grave pas l'idée tant que j'ai pas goûté. J'ai redouté puis maîtrisé. Au-delà des peurs et des doutes. Au-delà des peurs et des doutes, Emma Goldman. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en bouillie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en bouillie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en bouillie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en bouillie quand la peur plane. Dans le présent, je projette peu. Mes gestes sont consistants, pas la sauvette, pas creux. J'aime sa silhouette, mais pas que. Y'a la pirouette pour chaque jeu. Son pire dans les yeux, le meilleur dans les mains. Je m'en tire, j'ai le feu, les récepteurs bien au point. Les erreurs pardonnées, mes pleurs sont pas paumées. J'attends pas de... J'en regrette pas, j'ai tout donné. J'attends pas d'être couronné. Je me plains pas d'être couillonné. Je rattrape le cas sans m'époumonner. Sont déboulonnés après qu'ils soient retournés. Le contrat est dénoué, même pas chamboulé. Retour à ma normalité, merci pour l'hospitalité. J'ai pris mes responsabilités, je les ai mises là où il y avait nécessité. Le time est time, plus qu'à l'optimiser. L'optimiser. Au-delà des peurs et des doutes. Au-delà, au-delà, là-haut. au-delà des peurs et des doutes. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en vie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en vie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en vie quand la peur plane. Elle sait pas, moi je sais bien ce qu'il fait pas, ce qu'il fait rien. Pas épanoui quand le doute gagne, la cogite en vie quand la peur plane. Merci! Yeah, j'entends rien. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort! Et c'est Blodja, Adjo Joe. Merci. Bang bang, bang bang. Bang bang! Uh-oh. Ici Blodja sur le 8-9-5 de Dio, à l'arrache, mais concentré dans. Ton petit fauteuil, il est pas mal ce fauteuil. Hein. Ouais, confortable. Ouais, franchement, t'avais l'air bien là. À l'aise. Comme à la maison. Bang, bang. Ouais, ouais, ouais. Merci à toi pour merci ce florilège de tous tes tracks. Bonne vibes. Yes. Si vous avez kiffé et que vous voulez le voir en vrai, bah, y a du concert qui arrive, voilà, il me semble. Vendredi 21 juin au Démineur. Vendredi 21 juin au Démineur. Paramine Crew représenté. Tout à fait. Histoire de voir ça, il y a d'autres. Tu joues seul tout ou il y a. Voilà, ce sera seul tout. Après, le 5 juillet pour le festival Saint-Étienne-Rock, qui met en avant la scène locale punk rock. Il y a de quoi un concert avec Pervers Utrecht, mon groupe, dédicace à Momo, Jean-Guy, Benoît, bababam, bam, bam. Et du coup, ce sera sur deux jours, vendredi 5 juillet et samedi 5 juillet, il y aura une dizaine de groupes du cru, quoi. Cette fois, c'est 16 rue du Monde du côté de Bellevue. Du coup, ce sera la gueule noire, ouais. Ouais, carrément. Merci à toi, Blood. Merci à toi. Merci, merci. À plus. Sauvage, impénitent, Radio Dio. Radio Dio, 89.5 FM. Et on va sur le final de cette émission. Plus fort, j'entends rien. Petit coup de cœur, gros coup de cœur même, pour le coup de cœur de la Ferrarock. On est une trentaine de radios à choisir deux disques par semaine. Et cette fois, c'est vraiment un gros, gros kiff et une belle découverte. Ça s'appelle cette compilation du label Cartel, C-A-R-T-E, 2-L-E. C'est le deuxième volume, deuxième compilation sortie par ce label le 14 juin 2024, créé par Margot Auger et Lisa Banteni. Cette maison de disques se veut féministe, généreuse, joyeuse et défricheuse, et c'est le cas de le dire puisque sur tous les titres qui sont présents sur ce vinyle et ce numérique, et ben ça part vraiment dans tous les sens. Le concept est ancré, meuf, gwyn, trans au programme, avec autant de l'électro auto-tuné, du noise rock, du punk, de la folk, de la pop, ça part vraiment partout, et j'ai kiffé vraiment à peu près l'intégralité de la sélection. Je vous conseille largement donc le Dig Dig Diggers de cette semaine pour en savoir plus. Bien entendu, l'émission mutualisée de la Ferrarock, vendredi à midi, 19h et lundi à 8h, ou le site ferrarock.org pour aller écouter ça de plus près. Je vous propose un extrait. Le titre s'appelle Homicide volontaire et le groupe s'appelle Hildegarde, tout de suite sur le 8-9-5. Barricadé, il se sentait menacé. Aucune trace d'effraction, rien n'a été volé. Il se sentait menacé, mais pourtant, il a laissé l'agresseur entrer. Il ne s'est pas méfié d'un visage qui, certainement, lui paraissait familier. Un assassinat perturbant, dont la police aura du mal à dire si le mobile était personnel ou politique, jusqu'à l'envoi en recommandé d'une lettre à l'épouse de la victime. J'aurais voulu ne pas me salir les mains, j'aurais aimé ne pas subir, ne pas souffrir, pouvoir me concentrer sur mon avenir. Malheureusement, je n'ai pas pu me résigner à laisser un type comme ça en liberté. Je ne sais pas comment il était, peut-être qu'il était sympathique, qu'il emmenait Nina à la danse classique le mercredi après-midi et Thomas à l'entraînement de foot le dimanche matin. Peut-être qu'il vous aimait, que vous l'aimiez, qu'il était du genre à vous masser les pieds, à vous emmener le petit déjeuner au lit. Je ne sais pas si j'en suis désolée, mais quoi qu'il en soit, tout ça est terminé. Dominique, pouvez-vous nous éclairer sur les circonstances de la mort et surtout sur le profil potentiel du meurtrier? Tout à fait, Christophe. La police pense d'abord qu'il s'agit très probablement d'un homme, étant donné la violence du coup porté à la tête. Mais les enquêteurs n'excluent aucune piste. En effet, sous l'emprise de la colère, une femme pourrait avoir porté le coup fatal. On pense notamment à l'affaire Jacqueline Sauvage. Je n'avais rien prévu de si létal, de si définitif. Je voulais simplement le confronter à ses actions, lui faire admettre la vérité. Peut-être que j'espérais des excuses, une forme de rédemption. Mais lorsque je suis arrivée, tout était barricadé. J'ai entendu un cri, j'en ai profité pour passer par la porte de derrière, celle par laquelle il y a 10 ans déjà j'étais entrée. Quand je suis arrivée, il y avait cette fille évanouie, inconsciente sur le canapé. Je n'ai pas réfléchi, je me suis cachée derrière. Quand il est finalement entré, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé ce chandelier et j'ai frappé. Lorsque mes yeux se sont réouverts, j'avais commis un homicide volontaire. Un homicide volontaire! Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, hein? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est l'heure des petites annonces sur le 895 de Radio Dio et déjà de l'autopromo bien entendu pour le Radio Dio Live Festival. Juin, toi à la transe, le programme de cette semaine, ce mercredi 19 juin à 21h, vous avez rendez-vous avec un groupe cultissime venu de Hollande et symbole de l'anarcho-punk. J'ai nommé ZX pour un mini-concert enregistré à Grande Zéro en 2009 à Lyon. Enregistrement rarissime et très peu diffusé, peut-être même une des premières fois, qui sera suivi par le concert de notre folk star local en la personne de Junior, spécial dédicace aux alentours du coup de 21h30. Jeudi 20 à midi, dans des sons sensibles, Lionel invite le duo Moussidir et Jérôme Bertrand, un duo de deux contrebasses qui sera en direct et rediffusé bien entendu. Et vendredi spécial pour le 21 juin, fête de la ZIC, et bien à 10h vous pourrez écouter le concert de Kay Tempest et son spoken word largement électro, venu de Londres et enregistré par La Ferra en 2014 au Transmusical. Et deux concerts pour ce jour, le vendredi aussi, mais cette fois à 15h. C'est le musicien franco-libanais Bachar Mar Khalife et sa musique orientale de piano électronique, un concert du Lemon Tour de 2016 qui vous sera proposé, l'intégralité de tous ces programmes et bien entendu sur le radiodio.org. Et un petit peu de cadeau maintenant, des places à gagner pour un festival que l'on suit depuis longtemps et que Synthé adore. Il s'agit du Festival des Sept Collines qui se tient du 22 juin au 8 juillet. Nous avons des places à vous faire gagner pour le concert au fil du 27 juin. La Sonora Mazuren, venue de Bogota, pardon, et le DJ allemand, mais ouvert largement sur le monde, avec le projet Chantel et Bukovina Club Orchestra. On a aussi une place le lendemain pour le 28 juin à l'Opéra pour le spectacle de danse Black Blues Brothers. Enfin, un rendez-vous qui forcément se doit d'être relayé sur ces ondes, un nouveau rassemblement contre l'extrême droite à Saint-Étienne. Et oui, encore, ça n'est pas fini et il est important de continuer à dire non, tout simplement, quelle que soit la manière dont vous avez choisi de dire non. L'appel est lancé par le comité Antifa à Saint-Étienne, rendez-vous à 19h du côté du parc Curio, parc Joseph Sandolce. À Roanne, c'est à 18h au centre universitaire, parce que les avancées sociales et environnementales ne tomberont pas du ciel. Occupons la rue contre les idées d'extrême droite, contre le post-fascisme aux portes du pouvoir, contre le néolibéralisme, contre le capitalisme. Et pour continuer à dire non, pour continuer à penser aux frontières, eh bien c'est l'heure, ce mois-ci, de retrouver un collectif qui se bouge à l'année avec un numéro de téléphone de sauvetage pour les naufrages dans la mer Méditerranée. Il s'agit bien sûr du collectif Alarm Phone qui continue à s'organiser. C'est d'ailleurs le sujet de l'émission du jour, Chronique amère. C'est le 25e magazine, il s'intitule « Ne rien lâcher ». Et il va vous parler un petit peu de la manière justement dont tous les activistes de ce crew se rencontrent, parce que c'est pas toujours facile pour le côté sud de la Méditerranée de réussir à monter pour rencontrer les gens qui sont plus au nord, qui ont beaucoup moins de problèmes de visa, bien entendu. Vous allez entendre tout ça dans ce magazine, 25 minutes, une demi-heure, donc le 25e numéro de Chronique Amère sur le 895 de Dio. C'est parti, dans quelques instants. Alarm phone, hello. Hola. This is what's going on. Salam alaikum. Allô, bonjour. Alarm phone, my. C'est alarm phone. How are you, my friend? How many are you on? Can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Okay, can you? Benny, do you can you give me your GPS position? Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone. Freedom, I don't need them. Where's your freedom? Combien de personnes êtes-vous sur le bateau? What kind of boat are you on? How many are you on the boat? Keep calm, keep as calm as you can. Okay, I call you back. ما هو لون القارب؟ Je vous rappelle. Try calling again, because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2023, 3129 personnes sont mortes ou disparues en traversant. 260 personnes par mois. 782 personnes par semaine. Près de 9 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois. Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Amère. Une chronique où l'on parle des frontières maritimes de l'Europe et de celles et ceux qui les traversent. Et toujours depuis Alarm Phone. Depuis presque 10 ans, le réseau Alarm Phone réunit des activistes au nord et au sud de la Méditerranée qui s'organisent ensemble pour lutter contre les frontières et pour la liberté de circulation de toutes et tous. Pour que ce réseau qui réunit tant de gens depuis tant d'endroits différents puisse fonctionner, il faut pouvoir se rencontrer, se parler, c'est-à-dire se voir en vrai. Alors on essaye de se réunir 2 fois par an. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines dans l'ouest de la France. Comme à chaque réunion qui se passe au nord, à cause du régime des visas, seulement quelques personnes du Sud étaient présentes. Et c'était triste et rageant qu'une si grande partie du réseau ne soit pas là. Parce que ce sont des moments importants, des moments forts d'échanges, de discussions, de stratégies. Mais aussi l'occasion de partager des histoires de lutte, de résistance, des histoires qui rappellent pourquoi on ne lâchera rien. Dans notre travail Alarm Phone, nous sommes souvent confrontés à des situations difficiles. À la peur des personnes sur les bateaux, à l'inquiétude et à la tristesse des proches, et trop souvent à la disparition et à la mort. Pour cette raison, certaines des histoires qui vont suivre peuvent être dures à écouter. D'autres histoires, au contraire, n'ont l'air de rien. Mais c'est justement parce qu'il y a de la lumière dans tout ça, qu'on y trouve ces éclats de joie, ces sourires et cet espoir malgré tout, qu'elles nous donnent la force de tenir et de continuer. Et c'est ce qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe de Rennes. Donc moi, je suis dans Alarm Phone depuis 4 ans. J'y fais des permanences téléphoniques et rechercher de l'argent. I do shifts in the Alarm Phone and I'm also part of the Central Met Regional Group. Dans Alarm Phone, je fais essentiellement des shifts. Je suis un Sénégalais résident au Maroc. Je suis un membre du réseau d'Alarm Phone depuis tant d'années. Eh bien, moi, dans Alarm Phone, je fais des permanences téléphoniques. Moi, je suis membre d'Alarm Phone il y a 6 ans maintenant, je pense, peut-être 7 ans. Je suis aussi quelqu'un qui a chargé sur le travail de la sensibilisation, du chiffre de support et des permanences. Je fais partie, ou je suis en train de peut-être partir, de l'équipe de Rennes. I'm part of the Alarm Phone Zurich team in Switzerland. And in Alarm Phone, I'm mainly active or focusing strongly on the Aegean region. When I was on shift, it was a night shift, and I was in contact directly with a boat which was traveling from Libya towards Lampedusa. Et l'histoire que je veux partager, c'était pendant une shift de nuit, et j'étais en contact direct avec un bateau qui voyageait depuis la Libye vers Lampedusa. Et ils ont voyagé toute la nuit. Pendant la nuit, il y avait du stress, du fait qu'il faisait noir et aussi ils avaient peur de ce qui allait arriver. Mais en général, ils avançaient plutôt bien. Apparemment, ils avaient un bon bateau et ils ont réussi à trouver le bon chemin. And I think in the morning hours, it must have been maybe close to when my shift ended, when also for me the sun came up, and I suppose that also for them the sun came up. Et le matin, ça devait être proche de la fin de mon shift. Pour moi, ici, le soleil se levait. Et je me disais que pour eux aussi, le soleil se levait. Et ils m'ont donné leur position. Et ils m'ont dit, ah, on voit Lampedusa. On voit une île. Et j'ai vérifié aussi les coordonnées GPS et j'ai vu que oui, ils étaient déjà très proches de Lampedusa. Ils étaient à l'intérieur des eaux territoriales, donc vraiment proches. Et puis, ils m'ont dit que le carburant s'était arrêté et que du coup, le bateau s'était arrêté. Et avant, pendant toute la nuit, dans nos appels, il y avait toujours cette urgence d'avoir les nouvelles coordonnées GPS, de voir comment ils allaient, d'avoir toutes ces informations. Mais à ce moment-là, je savais, genre à 99%, que les gardes-côtes italiens allaient venir et qu'ils seraient sauvés. Et je ne peux pas dire comment c'était pour les gens, mais pour moi, c'était un moment de soulagement, comme « maintenant, tout ira bien ». Alors je leur ai dit que tout irait bien, quelqu'un va venir vous chercher. Et bienvenue en Europe. Yeah, I think that was a really et ça y est, vous pouvez vous détendre et attendre, ils vont arriver bientôt. Et je pense que c'était une très belle fin de shift pour moi, parce que ça arrive tellement pas souvent quand on peut dire ces choses-là et qu'on a un moment pour pouvoir se parler. Et la personne a dit, ouais, ok, on va attendre. Et puis on a raccroché et elles ont été sauvées. C'était dans les débuts où je faisais des shifts, au mois de novembre. C'était un shift du soir, un 19-23. Et il y avait un cas où il y avait trois personnes, une famille de trois personnes syriennes qui étaient perdues à la frontière serbo-bulgare. Enfin, ils étaient perdus, mais peut-être qu'ils avaient été retrouvés. Par rapport au chiffre d'avant, dans la to-do list, il fallait appeler la police serbe, les gardes frontières, quoi, pour savoir s'ils avaient été retrouvés. Et c'était un peu inquiétant parce que en hiver, à la frontière serbo-bulgare, il fait pas très chaud. Et du coup, j'ai appelé le numéro du garde frontière serbe et il paraissait assez inquiet. Il me disait que lui, ils avaient déployé tous les moyens, que lui, il avait fini son service à 20h et qu'à 20h, en tout cas, personne n'avait été retrouvé, que voilà, il n'avait pas de nouvelles depuis. Et donc, du coup, il a décidé d'appeler l'équipe suivante. Un quart d'heure après, il m'a renvoyé des messages où il disait que les gens avaient été retrouvés et je trouvais que ça donnait beaucoup de force. Et je sais pas, pour cette famille, de savoir qu'il y avait tous ces gens connectés qui les ont retrouvés, enfin ce réseau, je crois que c'est ça qui donne la force en fait, c'est le réseau, comme les meetings d'Alarm Phone où on se retrouve tous, on voit qu'on n'est pas tout seul, ça donne vraiment la force. Moi, mon histoire n'est pas très spectaculaire, mais voilà, je tenais à la raconter. On a fait un shift chez moi, c'était ma première fois, une de mes premières fois, et j'avais noté quelque chose qui était revenu à d'autres moments, dans d'autres shifts, qui était quand on appelle des numéros où tu sais pas si ça va bien se passer parce que c'est en anglais d'Angleterre et que tu connais pas les accents. Et ben j'ai trouvé ça très chouette d'avoir une de nos co-shifteuses qui faisait le jeu de tant pis, peu importe ce qu'ils me disent, je rappelle, je garde le calme et si mes collègues n'y arrivent plus, bah on se relaie. Et du coup on arrivait à s'amuser, dédramatiser le fait que bah parfois on s'immobilise de trucs, peut-être de manque de confiance ou de pas d'audace. Voilà, c'est mes souvenirs de moments en puissantant, en shift. Ça me fait beaucoup plaisir d'être dans cet engagement et dans cette dynamique d'être un militant qui lutte pour les droits, pour la liberté de circulation. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à fond d'être dans le réseau de Alarmophone, parce que je vois des camarades et des militants aussi qui sont aussi engagés d'être aussi sur le même combat que moi. Et nous aussi, on n'arrête pas de faire cette lutte-là au sein du Maroc, malgré que c'est vraiment difficile, mais ça ne nous empêche toujours pas aussi d'avoir le courage de faire. Et on a aussi parfois des résultats positifs, mais en général aussi, comme tout travail aussi, parfois il y a des choses qui sont négatives. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que le réseau a très bien assise au niveau du Maroc, mais particulièrement aussi dans le sud. Et ça nous permet aussi que quand il y a des revendications à faire, et là où nous sommes, c'est un jeune qui est vraiment politique, qui n'est pas facile à se manifester, mais on arrive toujours à faire quand on voit qu'il y a de l'injustice. Number of people, 35. 11th of March at 18:01. Including 26 men, 8 women, and 1 child. Tunisian Coast Guard and Tunisian Navy. Je vais vous parler d'une action que nous avons faite l'année dernière avec de nombreuses personnes d'Alarmphone. En juin 2023, on a lu publiquement à Bruxelles, devant le Parlement européen, tous les emails que Alarmphone avait envoyés aux autorités européennes depuis le début de l'année 2023. C'était une performance qui a duré 2 jours et demi. Nous avons lu jour et nuit, à tour de rôle. C'était épuisant, touchant, émouvant. C'était bien de lire ces emails dans un lieu public. Écrire des emails, c'est une grande partie de notre travail, en plus de la communication avec les gens sur les bateaux et sur les routes. Normalement, on les écrit dans les lieux privés et ils restent invisibles pour le public. On a lu tous ces emails. On a traversé des heures ensemble. On a crié vers les responsables, à voix haute et avec colère. On a montré notre tristesse face aux histoires des personnes avec lesquelles on était en contact, qui sont mortes, blessées et traumatisées sur les routes. On a montré aussi nos émotions en travaillant dans les permanences, l'impuissance, la colère contre les actions des autorités compétentes et les politiques qui rendent cela possible. Ça a été une expérience qui nous a renforcés et nous a encouragés à continuer. Watch the Met Alarm Phone. Pour moi aussi, la lutte, c'est toujours histoire positive. Même c'est dur, c'est vraiment dur. On vit beaucoup de choses terribles, mais en même temps, on peut pas rien faire, non? Il faut travailler, il faut lutter. Et quand on est seul, c'est triste. Mais quand on est avec les autres, il y a le puissance, non? Le pouvoir. On peut faire quelque chose. Récemment, j'étais dans le bus pour aller à l'université. Je refais mes études et c'était lundi matin, très tôt. Et j'ai reçu un appel, j'ai raccroché et c'était une femme qui a demandé asile, qui avait surtout. On ne peut pas imaginer, non. Chaque chose terrible que peut passer pour une femme à passer pour elle. Et elle m'a gueulé un peu, elle dit « je t'ai envoyé un message le week-end, tu ne me réponds pas ». Et je dis ouais, « désolé, mais c'était le week-end, je n'ai pas regardé mon téléphone, je suis désolé ». Elle dit « non, tu dois regarder parce que j'ai un courriel, je comprends rien, je ne l'ai pas ». Dis-moi, qu'est-ce qu'il dit ? Alors je dis « ok, attends, je vais regarder ». Je suis allé dans WhatsApp, j'ai eu le message, et, oui, bien sûr, il y avait un courriel. Et j'ai regardé et j'ai dit « ah, mais mon ami, félicitations, tu es un réfugié maintenant ». Ils ont accepté le demande. Elle a pleuré, moi aussi. Mes âmes tombent direct dans le bus. C'était trop... Tout le monde me regardait. C'est quoi ça, mais... Non, mais c'était trop touchant, non ? Et elle était trop contente, bien sûr. Pour moi, c'est... On apprend le monde mieux. Beaucoup mieux. Et on devient très proche à les autres. Et on peut partager les choses comme ça avec quelqu'un. C'est un grand privilège pour moi. Il me touche beaucoup. Et on continue, non ? Jusqu'au bout. I would like to share a story from a shift from last year. Two team members and me were on shift on the 11th of November, and among the cases. Je voudrais partager une histoire d'une shift de l'année dernière. J'étais en shift avec deux membres de mon équipe le 11 novembre. Et parmi les cas qui étaient ouverts, il y avait un cas qui m'a beaucoup touché. C'était un bateau en bois avec 70 personnes qui étaient parties la veille de Tunisie. Et on était en contact avec quatre proches de gens sur le bateau. Et notamment, on a reçu l'appel d'un enfant qui avait ses grands-parents sur le bateau et qui nous demandait d'agir immédiatement pour envoyer des secours au bateau. C'était un moment vraiment difficile pour nous d'expliquer de manière appropriée à un enfant ce qu'est l'AMFON et ce que nous pouvons faire, et que nous avions déjà alerté et mis au courant les autorités avec la position GPS, mais que malheureusement, nous ne pouvions pas nous-mêmes venir secourir les gens sur le bateau. Donc c'était un moment vraiment difficile pour nous d'avoir cette conversation au téléphone. Just at the end of our shift at 7 p.m. we received the information from another. The boat had autonomously. Et juste à la fin de notre shift, à 19h, on a reçu l'information d'un autre proche que le bateau était arrivé de manière autonome à Lampedusa. Donc ça a été un moment vraiment soulageant. Et on a prévenu tous les proches avec qui on était en contact. Et j'ai immédiatement reçu un message vocal de l'un d'entre eux, avec toute la famille qui applaudissait, pleurait, en nous remerciant. Donc oui, c'était vraiment un moment hyper émouvant. Just some days later, when we turned on our shift phone for the next shift, we saw that this person had already sent us a WhatsApp message. Quelques jours plus tard, lorsqu'on a allumé notre téléphone pour un autre shift, on a vu que cette personne nous avait envoyé un message WhatsApp quelques jours avant. Et j'aimerais vraiment vous lire ce message parce que ça nous a donné beaucoup de force. Et on a vraiment aimé le recevoir. Donc voici le message. Aux incroyables équipes des organisations de sauvetage en Italie, en France et en Allemagne. Les mots ne peuvent exprimer la profondeur de notre gratitude pour vos efforts exceptionnels dans le but de sauver les membres de notre famille de la situation dangereuse en Méditerranée. Votre réactivité, votre coordination et votre dévouement inébranlable ont sauvé non seulement deux vies, mais aussi la paix et l'espoir de toute une famille. Votre engagement infatigable et votre expertise brillent comme une lueur d'espoir. L'impact de vos actions va bien au-delà du sauvetage immédiat. Vous avez restauré l'espoir et nous avez rappelé l'immense pouvoir de la compassion et de l'unité. Merci, du plus profond de notre cœur, d'être la lumière qui nous guide dans notre heure d'obscurité. Eh bien, de prime abord, ça n'a pas l'air complètement lié à l'AMFON, mais je fais aussi partie d'une permanence juridique administrative pour les personnes étrangères en France, avec ou sans papier. Il n'y a pas très longtemps, dans cette permanence, j'ai accueilli une personne que j'ai rencontré à ce moment-là, qui est en France sans papier. Et il s'est avéré que dans son histoire, il a perdu la trace de ses proches dans son parcours en passant par la Tunisie. En fait, j'ai été sollicitée parce que je fais partie de cette permanence. On m'a demandé si moi je connaissais en fait des manières de pouvoir soutenir les personnes pour les aider à retrouver la trace de proches disparus. Et en fait, je pouvais répondre à cette question parce que je fais partie d'Alarmphone et que dans Alarmphone, on a de la ressource pour ça qui est compilée à des endroits. Et du coup, bah, moi, j'étais hyper contente de pouvoir répondre positivement et fournir de la ressource à cette personne-là. Et je pense, moi, ça m'a aussi fait sentir que pour moi aussi, elle est là, la force de ce réseau-là. De se dire, en fait, on est des centaines de personnes à vivre des expériences très différentes. Autour des questions migratoires et de frontières, parce que les personnes vivent des parcours migratoires, parce que des personnes accompagnent d'autres personnes qui en vivent, et que tout ça, ça permet de compiler un nombre d'informations et de ressources qui est énorme, et qu'on peut continuer à diffuser aussi en dehors d'Alarmphone pour essayer de soutenir les personnes. Et la dernière fois, il y avait des arrestations vraiment arbitraires qui se passaient dans les maisons des migrants, parce que les autorités rentraient dans les maisons à partir de la nuit, parfois jusqu'à l'aube, à la Youn. Et quand ils arrêtent des familles, des migrants, même qui sont réguliers, c'était des processus vraiment arbitraires. Ils prenaient tout le monde, les personnes régulières et qui ne sont pas régulières, et amenaient tout dans les centres de détention. C'était une manifestation en première qu'on avait organisée, c'était vraiment historique. Parce que c'était une première fois qu'on a osé à manifester et d'aller jusqu'à la préfecture de police qui est en face aussi du wilaya. Wilaya, quand on dit wilaya, c'est là où il y a le gouverneur. Et ça nous a aussi permis d'être en masse et d'être en collectif et faire une manifestation qui nous a pu permettre de les arrestations. Maintenant, c'est à revoir. Et ce jour-là aussi, il y avait vraiment beaucoup de voitures de police qui nous sont venues nous intimider, mais on était vraiment engagés et résistés jusqu'à ce que c'est le gouverneur même qui est sorti dans son bureau, venir nous prendre et nous amener dans son bureau pour discuter, voir maintenant les processus des arrestations. Et on lui a donné nos conditions et le faire rappeler aussi que le Maroc est un pays de droit. Il faut aussi qu'on respecte le droit des étrangers. Et ça s'est bien marché. والباصيرة مرشي في مفوة الحرية في رجل الهدر بريفي يا عرف وكيد قيا مدرسة ولازم سيفي بيرو محول أمية. L'histoire que je vous racontais, c'est une histoire qui concerne une situation où les gens sont partis de Tunisie, de Sfax, et le bateau est parti sur l'eau et puis s'est fait intercepter par les gardes-côtes tunisiens. Et les gens ont été emmenés dans le désert, comme ça se fait pas mal c'est depuis quelques longs mois. Et donc là, on était en contact avec une personne qui était en contact avec un groupe qui avait été emmené dans le désert, qui avait été divisé en plusieurs groupes. Et j'étais en permanence avec deux personnes qui démarrent dans Alarmphone. Et donc on est en contact avec cette personne qui lui a un frère dans le groupe qui est dans le désert. Et en fait on comprend rapidement que ça fait trois jours qu'il bosse comme un malade pour essayer de trouver de réunir tout le groupe, de comprendre où ils sont et d'essayer de les réunir à un endroit pour les ramener, parce qu'il a réussi à trouver de la thune pour choper un camion qui va pouvoir aller les chercher et les ramener à Sfax. Donc le mec s'est déglingué, il a fait un taf de fou pour que tout le monde soit mis à l'abri, quoi. Et là, donc nous, quand on l'a au téléphone, c'est en train que tout le monde est en train de monter tout le monde est en train de monter dans le camion. Il n'y a que peut-être trois personnes dont on n'a pas trop de nouvelles, mais peut-être sont à l'hôpital et tout ça. Et du coup, je lui dis, mais waouh, mais t'as tellement géré. Mais c'est incroyable le taf que t'as fait. Mais non, c'est vous, le taf que vous faites et tout. Et on finit par chialer les deux. Et du coup, moi, ça m'arrive souvent de pleurer en shift. Mais là, je suis avec deux personnes qui sont nouvelles et tout. Et du coup, on se met toutes un peu à être méga émues. Et le gars est trop content. Et on se fait un gros moment de bravo, bravo, c'est trop bien que vous soyez là. Ça fait trop chaud au cœur des deux côtés, quoi. Et donc voilà. Je pense que ça bien sûr, ça fait un gros truc au cœur, quoi, de se dire qu'on arrive à rendre le monde un peu moins dégueulasse en essayant chacune un peu à notre façon de faire un petit bout du taf. Et après, je crois, c'est aussi l'émotion partagée avec lui qui est loin, et puis nous trois qui sommes ensemble et tout ça aussi, quoi. qui des fois aussi ça fait du bien de chialer et d'être dans d'autres émotions que la tristesse ou la colère par rapport à ces histoires-là. والنازعات غرقا والناخطات نشطا اولتر از همه به همه دوستا که اینجا آمدن به خاطر تسلیت و غمشریکی ما یک جهان سپاس میکنم و سلامای گرم خدا برشان تقدیم میکنم شما مردم هستین که همیشه به ما غمشریکی کردین و از ما محافظت کردین So the story that I will tell you is about a case, a distress case that we learned about only after it already happened. So it was not originally an alarm phone case. L'histoire dont je vais vous parler est un cas de détresse qui n'était pas à l'origine un cas alarm phone. Donc les personnes ne nous ont pas appelés pendant qu'elles étaient en détresse. Mais on a suivi la situation après coup. Et je pense que c'est une histoire très tragique. Mais dans la tragédie, les gens ont trouvé aussi de la joie, d'une très belle manière, je trouve. Et c'est ce que je veux vous raconter. And there is a small Greek island that is called Kythera. And on the 5th of October, a ship crashed on the rocks of Kythera, and several people lost their lives. And then there was an incredible moment of solidarity and rescue between local residents and the survivors. Il y a une petite île grecque qui s'appelle Kythera. Et le 5 octobre, un bateau s'est écrasé sur les rochers de Kythera et des gens ont perdu la vie. Il y a eu un moment incroyable de solidarité et de sauvetage entre les habitants de l'île et les survivants de ce naufrage. Un moment où les locaux ont mobilisé beaucoup de ressources pour secourir les gens. Ils ont mobilisé une grue pour sortir des personnes des rochers. Je pense que beaucoup ont pu être sauvés grâce à cette mobilisation. Et puis, après que cette tragédie se soit produite, de nombreuses personnes ont contacté Alarm Phone parce qu'elles recherchaient leurs proches. Et alors une relation, un lien, a commencé à se tisser entre les militants d'Alarm Phone et les survivants. Et leurs proches. Et puis un an après, des proches, des survivants, des militants du réseau Alarm Phone et des habitants locaux ont décidé de faire ensemble une commémoration sur l'île de Kythera. Et tout le monde s'est déplacé pour se retrouver là-bas. Et différentes activités ont été organisées pour se souvenir ensemble des personnes qui ont perdu la vie et aussi faire en sorte que cette tragédie ne soit pas oubliée. Βαστά μέσα, βαστά μέσα χορεύω. Remember together the people who have lost their lives and also to make this this tragedy, this shipwreck not forgotten. And within these days where the people spent on the island, one very, very beautiful scene happened. Et pendant ces jours passés ensemble sur l'île, il y a eu une très très belle scène. Il y avait une femme âgée d'Afghanistan qui a commencé à danser avec un jeune habitant de Kythera pendant qu'un autre parent jouait de la clarinette. Et je pense que dans ce beau moment, d'une manière ou d'une autre, les survivantes, les proches, les militants, les résidentes se sont soudés en une seule communauté. Ce qui, je pense, montre très bien comment, même dans un moment très sombre et très triste, les gens peuvent s'unir aussi dans la joie et construire de très belles choses, des liens forts, ensemble. Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. Il nous reste à partager quelques pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes les camarades qui luttent pour un monde libéré du régime des frontières, pour celles qui doutent, qui abandonnent parfois. Des pensées de solidarité pour les camarades qui trouvent de la joie dans le combat, qui savent reconnaître la beauté de ce monde, comme un lever de jour sur un bosa, comme une danse sur les ruines d'un naufrage. Parce qu'elle existe, cette beauté, et c'est pour ça qu'on est là. Des pensées de solidarité à celles et ceux qui tombent mais se relèvent, qui ne lâchent pas l'affaire. À toutes celles et ceux qui, militants ou pas, font leur part. et conserve l'espoir. Merci à tous ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, qui ont traduit, qui ont enregistré, qui ont fait des retours. Merci à tous les camarades d'Alarmphone présents sur cet épisode pour avoir partagé leurs forces et leurs récits, auxquels on s'accrochera. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, Radio Diode, Radio Galère et Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez consulter le site de Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique à Mer. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.